بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. 45 لسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va compléter le dars d'hier à propos de istiqbal ou istidbal al-qibla. Wa kadhalika hukm al-istijmar bil radi' ou al-ghad. C'est le dars d'hier, toujours par rapport au hadith de Abu Ayyub al-Ansari de Salman sur le fait de faire face à la qibla ou de tourner le dos. Et également le fait d'utiliser des crottins ou des ossements pour l'istinja, ce qui s'ensuit. Donc après, il a continué en disant Mas'ala. Al-Hajar al-Kabiru al-Lazi lahu thalathu shi'ab. Hal yakumu maqamu thalathi ahjar. Donc il dit la grosse pierre, une pierre de grande taille, ayant trois facettes, ou trois faces, on dirait comme ça, est-ce qu'elle prend la place de trois pierres? Donc, il cite d'abord des paroles de Shafi'i et d'autres. Ils disent que cette pierre prend la place de trois pierres. Car le but de ces trois pierres, c'est de quoi? C'est le fait de répéter l'action, de se nettoyer avec, que ce n'est pas lié qu'une seule fois. Donc avec une pierre qui aurait trois facettes différentes, ils disent que le but est accompli. Et après, c'est une parole de Cheikh Al-Othaymin. Cheikh Al-Othaymin voit que cette parole-là est correcte. Car la législation est basée également sur des sens et des objectifs, pas que sur des termes. Alors des fois, des termes ont un sens, et si le sens il est compris, qu'il est accompli ou quoi, Inch'Allah, l'action est valide. Et des fois, c'est à Aboudi. Si tu fais comme ça a été dit, enfin, même ça dépend des adorations, des actes. Mais dans celui-ci, le but, c'est de quoi? C'est de nettoyer plus d'une fois avec une chose qui est bien récurrente. Donc, ils disent que trois pierres ou une pierre qui fait office de trois pierres servira au même. C'est également la parole de Qudama et l'une des paroles de Ahmed. Non. Après, il dit Hukm al-Itar fi mazada ala thalath. Le fait de s'essuyer un nombre impair au-dessus de 3. Ils disent qu'il y a certains savants qui voient que cela est obligatoire. J'ai mal traduit. C'est le fait de le faire en nombre impair pour celui qui fait plus de 3 fois. C'est ça en fait. D'accord? C'est-à-dire, si tu fais plus de 3 fois, de faire de nombre impair. Même t'année? C'est ça en fait. Je m'en traduis. Donc là, certains relèvent ce que je dis quand c'est wajib. Je comprends que c'est wajib. Là, je comprends pourquoi c'est wajib. Donc certains savants que c'est obligatoire. C'est-à-dire, si tu fais plus de 3 fois, alors tu fais 5. Ou alors tu fais 7. Ou alors tu fais 9, et ainsi de suite. Et sans servir du hadith, manistajmara faliyutir. Que celui qui se nettoie avec des pierres, alors qu'il le fasse en nombre impair. Et d'autres ulama voient que c'est istirbab, c'est recommandable. Et leur preuve, c'est le hadith d'Abu Huraira qu'on a cité hier, quand il dit Man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj. Que celui qui le fait, c'est-à-dire trois fois, avec la pierre, a bien agi, et celui qui ne le fait pas, alors pas de grief sur lui. Mais on a dit que ce hadith était da'if. Donc la parole la plus juste, c'est la première. Que c'est wajib de faire un pair. Car on n'a pas de. Autre que ce hadith faible, il n'y a pas d'autre chose qui sort le jugement de son côté obligatoire. Pour qu'on dise que c'est mustahab. Après, Dimas Alatoun, l'istinja bil raouth wa al-idham. le fait de se nettoyer avec des crottins secs d'animaux ou des ossements. Donc la plupart des savants, le jumhur, ahli al-ilmi, voient qu'il n'était pas permis de le faire. Et en leur preuve, c'est le hadith qu'on a pris dans ce chapitre. Hein, le hadith de Salman. Le hadith de Salman, c'est la preuve. Et également, c'est dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, dans Sahih al-Muslim, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un yumtasaha bi azmin ou bi ba'rin. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit que l'on s'essuie avec des ossements ou des crottins. Et certains ulama, comme Abu Hanifa, ont vu que cela était permis, car cela malgré tout minimise de la najasa. Et que Malik a autorisé de le faire avec ce qu'on est pur. C'est-à-dire les ossements, mathalen. Ah, mais quant au crottin, ils ne peuvent pas être purs. Ah si, ceux qui sont des animaux qui ne sont pas, dont la chair n'est pas comestible. Mathalen. S'ils sont secs, d'accord, ils sont devenus un peu solides, ils voient que c'est permis de le faire. Mais la parole la plus juste, c'est la première. Simplement sur le hadith. C'est pas permis. Après, il dit Mas'alatun hel yajouzu wa l'istinja bi ghayli raouth ou al-izam. Tu permets de faire l'istinja avec autre que les crottins ou les ossements. Donc, l'ensemble des savants et jumhur, ils disent qu'à la base, tout ce qui te sert à nettoyer, d'accord, par lequel tu atteins ton objectif, qu'il s'agisse même d'un bout de bois, un chiffon, aujourd'hui par exemple, papier hygiénique, papier toilette, mathalen, ou tout cela, il est permis de faire singer avec. Hormis ce qui est venu avec une interdiction dans les preuves comme la raouth ou l'idham, les crottins et les ossements. Et d'autres, les Zahiriya, ils voient que, et aussi certains de parmi le Mazhab Hanbali, ils voient que tu te limites seulement aux pierres, comme cela est venu dans le texte. Bien que la parole la plus sortie, c'est la première. Qu'à partir du moment où l'objectif est accompli, et que tu n'as pas, parce que le Nabi Salam a dit de prendre trois pierres et interdit de prendre autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est entre les deux interdit. Si ça c'est interdit, c'est-à-dire le reste, tu peux le prendre. Le meilleur c'est les pierres. Quand même. Mais à partir du moment où sinon il aurait dit voilà reir. Il aurait dit rien d'autre. Mais il interdit que deux choses. Qui sont les crottins et les ossements. C'est-à-dire que si en dehors de cela, et qu'il sert à nettoyer, tu peux l'utiliser aussi. Si tu n'as que ça. Mais le meilleur, ça reste l'eau. Comme cela va venir, Inch'Allah. Le meilleur, ça reste l'eau. Plus efficace et le plus sanitaire. Plus hygiénique. Donc on a bien dit tu peux prendre autre chose que les pierres, cependant que cette chose-là soit un nettoie. D'accord, un nettoie. Et elle ne te nuise pas, parce que des fois, je sais pas, tu peux être dans la nature, et tu veux prendre une plante par exemple, et malheureusement tu n'as pas pris la bonne plante. Tu as pris, je sais pas, des orties ou... Tu vois. Donc ça c'est sûr que voilà quoi. Donc il faut que ce soit une chose qui nettoie et même une chose qui ne te nuise pas. C'est pas après tu as une allergie, tu as une infection, tu as des démangeaisons, je sais pas quoi. Un truc qui ne te nuit pas non plus. Naam. Également, c'est quoi les causes pour le raouf et le idham? Les causes, c'est que dans plusieurs hadiths authentiques sont venus que cela est la nourriture des djinns. Les ossements de ce qui était égorgé dans la subhanahu wa ta'ala. Quand même, c'est pour les djinns parmi les musulmans. Et les crottins, c'est pour leur monture. Ils ont leur haq dedans. Donc on n'a pas à le souiller en mettant des impuretés dessus. Non. Et même certains ulama sont partis jusqu'à interdire de faire le sinja avec des nourritures. Après, il dit, pour finir, une faïda, il dit par contre, il parle de Nawawi, c'est un truc qui est clair pour tout le monde, mais bon, il l'a cité quand même. Si quelqu'un venait faire le stinja avec des feuilles de Mushaf ou l'A'udhu Billah, en sachant ce qu'elles contiennent, lui, il l'a mécru, automatiquement. D'accord ? Et comment cela viendra l'esprit d'un musulman de faire ça ? D'accord ? Donc celui qui ferait ça aura mécru sur le champ. C'est-à-dire, il prend des feuilles de Mushaf, il le stinja avec, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. C'est pas genre il l'a pas fait exprès. Il sait ce que c'est. Lui, il a mécru automatiquement. Et Shir, il dit, également, on peut ajouter à cela ce jugement, toute feuille contenant des choses avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant au livre de Fiqh, ou autre parmi les sciences, légiférer, cela c'est une grosse interdiction, et on n'est pas à l'abri que ce soit également du kufr. Par exemple, quelqu'un qui prend un livre de ilm, tu vois, un livre de science, mais s'il parle un livre, il fait allusion à un livre là où il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas un hadith où il n'y a pas le nom d'Allah, c'est par exemple, je ne sais pas, une mas'ala, parle de alim, ou des choses, ou des affaires de salaf, ou kaza kaza, et il fait le sinja avec. C'est une, a dit, hurma shadida, et qu'elle est, la yu'man alim nil kufr. Là, on craint pour lui le kufr. Tamam? Donc voilà. C'était juste pour compléter le ders d'hier, pour pas trop, parce qu'hier on a un peu allongé. Et l'autre ders, il sera celui qui vient après. Si on le prend maintenant, ça va. On le prendra demain, inshallah. Hatta al-al, le waqt qad dayyaq alayna. Mafhoum mas'ala? Tayyib. Fa law na wa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.